السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على أن يسر لنا لقاء جديدا لمدارسة كتاب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. Nous allons aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, avant de passer à la suite, finir l'introduction faite par l'auteur rahimahullah, cela du fait de sa grande importance et au profit qu'elle contient, bi'idhnillah, en particulier en ce mois béni de Ramadan, où les musulmans se concurrencent dans les œuvres pieuses et les actes d'adoration. Et dans cette introduction, l'auteur rahimahullah nous cite l'état sur lequel doit absolument être le serviteur lorsqu'il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses actes d'adoration. Il nous dit rahimahullah: et les connaisseurs, donc al-arifun, sont unanimes quant au fait que le tawfiq, la réussite, consiste en ce qu'Allah ne t'abandonne pas à ta propre personne, et que al-khizlan, qui est l'inverse de la réussite, consiste en ce qu'Allah t'abandonne à ta propre personne. Et celui donc à qui Allah a voulu du bien, il lui ouvre les portes de l'humilité, donc devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être brisé devant lui, de se rabaisser, de constamment se réfugier auprès de lui, du sentiment d'indigence et de besoin envers lui subhanahu wa ta'ala, de la vision des défauts de son âme, son ignorance et son hostilité. Et à l'inverse, il ouvre les portes de la vision de la grâce et des bienfaits de son Seigneur, de sa bienfaisance, sa miséricorde, sa générosité, sa bonté, sa richesse et sa louange. Et donc, le connaisseur chemine vers Allah entre ces deux ailes, et il lui est impossible de cheminer vers Allah sans elles. Et s'il lui manque une d'entre elles, alors il sera comparable à l'oiseau qui a perdu une de ses deux ailes. Cheikh al-Islam, rahimahullah, a dit: le connaisseur chemine vers Allah entre le fait de voir et d'apercevoir les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et le fait de voir et d'apercevoir les défauts de son âme. Il nous dit, rahimahullah: et ceci est le sens de sa parole sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith authentique rapporté par Shaddad et Buraïda, qu'Allah les agrée, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: la meilleure des demandes de pardon est que le serviteur dise: ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur, et je suis sous mon engagement et ta promesse, c'est-à-dire l'engagement de croire en toi, de te vouer un culte exclusif, et ta promesse donc, qui sera le fait de me faire entrer au paradis si jamais j'accomplis cela. Donc, il nous dit, rahimahullah, il a réuni sallallahu alayhi wa sallam dans ces deux paroles, je reconnais tes bienfaits sur moi et reconnais mes péchés, entre le fait d'observer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son bienfait, et de voir et d'observer les défauts et manquements de l'âme et des œuvres. Et donc, le fait d'observer et de voir les bienfaits et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pousse à l'amour d'Allah, ses louanges et la reconnaissance envers lui. Donc envers lui, celui qui a accordé ses bienfaits et ses bienfaisances. Et quant au fait de voir et d'observer les défauts et manquements de l'âme et des œuvres, alors cela pousse à l'humilité, au rabaissement, au fait de se sentir constamment dans le besoin d'Allah, au repentir en tout temps, et que le serviteur ne voit sa personne qu'en faillite. Donc le fait que la personne réunisse constamment entre le fait de se rappeler le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle et le fait de voir ses manquements et ses défauts. Et cela même lorsqu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith cité précédemment fait partie donc des adhkar qui sont à dire le matin et le soir. Donc il est important à la personne de l'apprendre et de faire en sorte de le dire constamment en se rappelant et en méditant sur les sens qu'il implique et les sens vers lesquels il pousse le serviteur. Puis il nous dit, rahimahullah, des paroles qui sont aussi très importantes. Il nous dit, donc après avoir cité que le fait de se rappeler des manquements et défauts de l'âme pousse la personne à ne se voir qu'en faillite et à ne se voir que dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, rahimahullah, et la plus proche porte par laquelle le serviteur entre à son Seigneur subhanahu wa ta'ala est l'iflas, donc la faillite. Puis il nous explique, rahimahullah, en quoi consiste cela. Il nous dit, et donc, il ne voit en sa personne aucune place, aucun rang, aucune cause à laquelle il peut s'accrocher, aucun bienfait provenant de lui qu'il peut prendre comme moyen pour entrer chez son Seigneur. Mais au contraire, il entre chez son Seigneur par la porte de l'indigence et le besoin complet, la faillite pure, de la manière dont entrerait une personne dont le cœur a été brisé par la pauvreté et la misère, à tel point où cette cassure atteigne le plus profond de son cœur et qu'il se fêle, et que cette cassure le cerne de toutes parts, et qu'il reconnaisse sa nécessité envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, son besoin complet et son indigence envers lui, et que chacun de tous ses atomes apparents ou cachés, de tous ses membres apparents ou cachés, soit dans le besoin complet et dans une nécessité complète envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et que si son Seigneur le délaisse, ne serait-ce le temps d'un clignement de l'œil, alors il tomberait dans une perdition qui ne peut être consolidée à moins qu'il ne retourne vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'il le rattrape par sa miséricorde. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, pour résumer, ici, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah nous rappelle l'importance qu'a le serviteur et l'obligation qu'il a lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala à se rappeler constamment ces deux points-là qui vont être le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et ses manquements, son imperfection, ce qui va le pousser à repousser de lui l'orgueil, l'arrogance, l'auto-satisfaction, l'ujb ou autres comme maladies qui peuvent atteindre la personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala par ignorance, en pensant que lorsqu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est elle qui fait part de ses grâces à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est elle qui excelle et qui est bienfaisante envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'affaire est différente. En réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait part de ta grâce par le fait de te permettre de t'humilier, de te rabaisser devant lui subhanahu wa ta'ala, car il est lui l'immense, le parfait, le riche, et tu es toi l'imparfait, l'indigent, celui qui est dans le besoin et celui qui est fait de manquement. Donc ici, la question que chacun d'entre nous peut se poser est, est-ce qu'il fait partie ou bien est-ce qu'il essaie de faire partir ou bien est-ce qu'il essaie de faire partie des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, c'est-à-dire entre le fait de voir et d'observer constamment les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et entre le fait de voir et d'observer constamment les défauts et manquements dans lesquels il se trouve. Un point qui permettra au serviteur d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer, de voir sa grandeur, de voir sa bonté subhanahu wa ta'ala par le fait de méditer sur ses bienfaits, et de s'humilier devant lui subhanahu wa ta'ala, et de ne pas être touché par certaines des maladies du cœur qui ont été citées. Et donc, par la suite, l'auteur rahimahullah finit ses propos par le fait de nous rappeler l'importance de cela. Il nous dit rahimahullah, et il n'y a aucun chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus proche que la servitude, al-ubudiyya. Et il n'y a point de voile entre le Seigneur donc et son serviteur qui soit plus rigide que al-da'awa, donc qui est le fait que la personne prétende ait des prétentions, prétend avoir un rang près d'Allah subhanahu wa ta'ala, prétend exceller dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, prétend être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que cela n'est pas le cas. Donc il n'y a aucune porte qui est plus proche et qui mène Allah subhanahu wa ta'ala que la servitude, et il n'y a point de voile qui soit plus épais que celui de la prétention. Puis il nous dit, et donc la servitude, donc qui est la porte la plus proche menant Allah subhanahu wa ta'ala, tourne, repose autour de deux règles, deux fondements, qui sont ses bases. Il nous dit, ces deux règles, ces deux fondements sont l'amour complexe et l'humiliation ou la soumission complète. Il nous dit, et ces deux bases découlent des deux bases citées précédemment. Donc, comme les savants le citent, al-ibada, l'adoration, repose sur deux bases, qui sont kamal al-hub, donc l'amour complète, wa kamal al-dhul, la soumission, l'humiliation complète devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici l'auteur rahimahullah nous fait le lien entre ces deux points qu'il a cités, qui sont les deux ailes avec lesquelles le serviteur chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, et les bases, les fondements sur lesquels repose l'adoration, qui sont kamal al-dhul wa kamal al-hub. Et il nous dit rahimahullah que les deux points qu'il a cités, qui sont le fait de méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous mènent à kamal al-hub, l'amour complet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus la personne va méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis elle va l'aimer bitab. Et le deuxième point, qui est le fait de voir les manquements et les défauts et les péchés de la personne, va la pousser à kamal al-dhul, qui est l'humiliation complète, la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et nous dit rahimahullah, ces deux règles sont l'amour complète et l'humiliation ou la soumission complète. Et ces deux bases découlent des deux bases citées précédemment, qui sont le fait d'observer et de voir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits, ce qui pousse à l'amour. Deuxièmement, le fait de voir et d'observer les défauts et les manquements de l'âme et des œuvres, ce qui pousse à la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit, et si le serviteur bâtit son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala sur ces deux fondements, alors son ennemi, al-shaytan, ne l'emportera jamais sur lui, si ce n'est par moment d'insouciance ou d'inadvertance. Mais très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne vie, le consolide et le rattrape par sa miséricorde. Intaha kalamuhu rahimahullah. Fa bihadha نكتفي والله أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا عنده سبحانه وتعالى. Donc par cela nous finissons en demandant à notre Seigneur سبحانه وتعالى, de par son immense grâce, de nous pardonner nos fautes et nos manquements, de voiler nos défauts سبحانه وتعالى, et de nous accorder une part de ses dons immenses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.